Alors expliquez-moi ce qui se passe. Je viens du futur, dans une machine à voyager dans le temps que vous avez inventée. Vous êtes fou, mon petit. Ça marche à l'électricité, mais il faut une réaction nucléaire. Une pression en avant, et la machine se déplace vers le futur. Une pression en arrière, vers le passé. Bon, très bien. L'anachronique culturelle. Vers l'infini et au-delà. Mathilde Serrel. Atterrissage réussi en 1980. Les parachutistes ont eu raison de la Marseillaise version reggae. Serge Gainsbourg a annulé le concert qu'il devait donner hier soir à Strasbourg, mais il l'a fait d'une manière très spectaculaire et courageuse. Je suis un insoumis. Et qui a redonné à la Marseillaise son sens initial. Au journal télévisé, l'image est saisissante. Le poing serré et levé comme l'étendard sanglant, Serge Gainsbourg, l'insoumis, est colère. Son concert à Strasbourg a été annulé hier à cause d'une bande de paras surchauffée par une guerre des tribunes. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé. Le général de Gaulle inaugure une formule nouvelle. Il utilise son temps de parole en 3 entretiens avec un journaliste, Monsieur Droit. Celui qui a allumé la mèche s'appelle Michel Droit. Un journaliste plus gaulliste que le général. Depuis son édito en juin dernier, c'est cette idée qui circule. La Marseillaise de Serge Gainsbourg est une provocation de plus, une profanation pure et simple. Est-ce à cause du reggae, cette musique venue de Jamaïque qu'on n'entend que tard le soir sur les radios clandestines? Du reste, rien d'étonnant pour Gainsbourg qui a l'air de poursuivre son exploration musicale et les artisans sonores qui l'accompagnent, Sly et Robbie, sont deux révolutionnaires du genre. C'est peut-être parce que Monsieur Birkin s'habille mal. Bah oui, je suis fou, quelque part. Ou bien, dans le parfum de scandale qui l'entoure depuis... Je t'aime. Oh oui, je t'aime. Moi non plus. Oh mon amour. Après les bonnes mœurs, voilà qu'il s'en prendrait à notre hymne national. Comme ces punks outre-Manche, dont le bassiste, Sid Vicious, vient de mourir. Mais Gainsbourg, lui, n'a pas changé les paroles. Au fond, c'est cette colère sincère qu'on lit sur son visage. Lui, le patriote, obligé de se défendre dans le matin dimanche contre une attaque particulièrement tordue. Michel Droit. Beaucoup d'entre nous s'alarment, souvent à juste titre, de certaines résurgences dans notre monde actuel, d'un antisémitisme que l'on était en droit de croire enseveli à jamais, avec des 6 millions de martyrs envoyés à la mort par son incarnation la plus démoniaque. Or, dans ce domaine de l'antisémitisme, chacun sait que s'il y a des propagateurs, il peut y avoir aussi, hélas, des provocateurs. Il faut vraiment être à court d'arguments pour finir sur les plus nauséabonds. Le problème, c'est peut-être tout simplement que cette Marseillaise reggae a un succès de dingue. Des centaines de milliers d'albums vendus et des tonnes de 45 tours. Ce nouvel hymne retire peut-être leur monopole patriote aux anciens combattants. Pour ma part, j'ai l'intention de faire un voyage dans le futur. Transportation réussie. Vous êtes de retour au 21e siècle. Non, c'est un peu trop, parce qu'un juif plus des nègres chantant la Marseillaise, ça a fait craquer plus d'un de droite. Ce que l'on peut dire, près de 4 décennies plus tard, c'est que la Marseillaise reggae de Gainsbourg n'a certainement pas profané l'hymne national. Elle l'a révélé. Surtout à une France post-mai 68, peu encline à révérer les symboles patriotiques. Et si « aux armes, etc. » semblait traiter le fameux refrain avec désinvolture, cette contraction musicale et graphique marque au contraire l'admiration profonde de Gainsbourg. Pour le texte de Rouget de Lisle, d'ailleurs, il en rachète le manuscrit initial en 1981. 10 bâtons, j'ai acheté à Marseillaise. Rouget de Lisle. Bertrand Dical, spécialiste de la chanson française. Il y a un double geste qui est le geste graphique. On résume le refrain. Ça faisait chier de remettre aux armes. Alors, aux armes, etc. On le fait chanter par les choristes. Et en même temps, il y a réellement ce que veut dire etc. Etc, ça veut dire et la suite. Et ce qu'on connaît déjà. Et Gainsbourg, il va dire aux armes, etc. C'est aussi pour dire on n'est pas là pour écouter ce qu'on nous raconte tout le temps. On est là pour écouter le sens des couplets. On est là pour écouter ce que moi, je vais dire. Amour sacré de la patrie, conduit, soutien nos bras vengeurs. Liberté, liberté chérie, combat avec tes défenseurs. Il est plutôt du côté du patriotisme. Amour sacré de la patrie, conduit, soutien nos bras vengeurs. Liberté, liberté chérie. Où j'étais tellement attaqué par ma version reggae de la Marseillaise, il ne faut pas oublier que le reggae, c'est une musique révolutionnaire. La Marseillaise de Gainsbourg n'est pas une arme de provocation, mais de propagation. C'est ce qui se ressent à Strasbourg dès 1980 et qui apparaît clairement aujourd'hui. Il y a aujourd'hui une espèce de surlégitimation de la Marseillaise reggae de Gainsbourg qui en fait aussi un hymne national. C'est presque plus une réappropriation, une transmission de l'hymne national qu'une profanation de l'hymne national. Et c'est ça que ne comprend pas Michel Droit, c'est ça que comprennent pas les paras. Et ce qui est extraordinaire quand on voit cette archive télé filmée par les gens de France 3 à Strasbourg, quand ils filment les paras au garde à vous, quand Gainsbourg chante, on voit bien que, un, ils avaient rien compris et que soudain ils comprennent. Que la Marseillaise, c'est la Marseillaise. Qu'elle soit chantée en reggae, qu'elle soit chantée par un juif, qu'elle soit chantée par un artiste de variété, qu'elle soit chantée par un mec mal rasé, les gamins qui sont là, pour eux aussi, c'est la Marseillaise. Parce que ça aussi, c'est pas uniquement le temps qui passe qui fait que ça fait partie de notre patrimoine. C'est pas uniquement le temps qui passe. C'est juste le fait que, incontestablement, le projet de Gainsbourg, le geste de Gainsbourg, a été compris. Je pense vraiment que je serai une référence quand j'aurai cassé ma pipe. Et là, les Français comprendront. Si tant est que cela ait du sens, la Marseillaise reggae est presque plus patriote que ses détracteurs. Elle ouvre la voie à une identité plurielle et non figée du peuple, un patriotisme affranchi du nationalisme. تحمل اسم بلاد